Alors avant de voir un nouveau point, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un nom et un adjectif, car je veux être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Alors malheureusement, les définitions qu'on donne habituellement de ces mots ne sont pas très claires. Pour simplifier, nous allons dire que tout mot devant lequel on peut mettre le mot « le », « la » ou « les » est un nom. Hein, le bonheur, la condition, la situation, etc. Un adjectif, c'est tout mot devant lequel on peut mettre « suis » ou « est », comme dans les exemples « je suis fier »,« je suis content »,« c'est possible » et ainsi de suite. Donc prenons l'adjectif « occupé » en français. On dit « une personne occupée » et on peut dire aussi « la personne est occupée » en ajoutant le verbe « être ». On a vu que le verbe est le moteur de la phrase. Maintenant, en chinois, certains adjectifs ont l'option du moteur, c'est-à-dire qu'ils incluent déjà l'idée d'être. Et on ne peut pas ajouter un deuxième moteur quand il y a déjà un moteur, sous peine de faire exploser la phrase. Ainsi, on peut employer le mot « occupé » aussi bien pour dire « la personne est occupée » que pour dire « une personne occupée » sans ajouter « être ». Hein, alors littéralement, pour « une personne occupée », on dira en chinois « occupé personne ». Car en chinois, l'adjectif se place toujours avant le nom. Et pour dire « la personne est occupée », on dira simplement « personne occupée ». Alors, il n'y a pas de « est ». C'est exact, pas de « est ». Le mot « occupé » se dit « mon ». Toi, bleu levé vers le ciel, mon pour occuper, mon. Il est toujours très occupé à lire des mangas. Hein? Alors, comment dites-vous occupé? Mang. Mang. Ok, une fois de plus, comment dites-vous occupé? Mang. Ok, doigt bleu levé. Mang. Et le mot occupé se dit? Mang. Alors, comment diriez-vous es-tu occupé? Alors d'abord, tu. Ni. Occupé. Man. Le mot interrogatif. Ma. Ni. Man. Et maintenant, dites-moi, est-elle occupée? Alors, elle. Ta. Occupée. Man. Le mot interrogatif. Ma. Ta mang ma. En chinois, le mot non se dit Pu. Doigt noir pointé vers le sol. Pu. Il sert aussi à traduire ne pas et donc indiquer la négation en chinois. Pu. Vous pouvez aussi l'utiliser pour effrayer les fantômes qui parlent mandarin. Pu. Donc, comment diriez-vous « non » ou « ne pas » en chinois? Pu. Ok, encore une fois, comment diriez-vous « ne pas » ? Pu. Alors maintenant, dites-moi, « il n'est pas occupé ». Tout d'abord, « il ». Ta. Ne pas. Pu. Occupé. Alors, le mot chinois signifie aussi bien « est occupé »,« suis occupé », »,« sont occupés » ou « être occupé ». Mang. Ta pu mang. Et maintenant, dites-moi, « elle n'est pas occupée ». Elle. Ta. Ne pas. Pu. Occupé. Mang. Ta pu mang. Et maintenant, dites-moi, je ne suis pas occupé. Je. Wa. Ne pas. Pu. Occupé. Mang. Wa pu mang. Alors maintenant, comment dira-t-on lui et moi ne sommes pas occupés. Donc, il ou lui. Ta. Et. He. Comment dites-vous « et » en chinois? He. Il faut dire « he » avec le doigt bleu levé 和 OK, alors encore une fois, lui et moi, lui, 他 et 和 je ou moi, 我 ne pas, 不 occupé, 忙 他和我不忙 Alors maintenant dites-moi, elle et lui ne sont pas occupés. Alors, elle, ta et he, il ou lui, ta ne pas, pu occupé, mang, ta he ta, pu mang. Et maintenant, comment dirait-on sont-ils occupés? Alors, il au pluriel. 他们 occupé. 忙 le mot interrogatif. 忙 他们忙吗 Alors maintenant, dites-moi, toi et elle, êtes-vous occupés? Alors, tu ou toi? 你 et 和 elle 他 occupé 忙 le mot interrogatif 吗 你和他忙吗